طيب أخذنا في درسنا السابق أصلا واحدا وما موضوعه. Donc le dernier cours, on a vu un fondement parmi les six fondements de la religion qu'a évoqué le noble savant et imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc on a vu le quatrième de ces six fondements qui consiste à quoi ? Ya Khana Riyad. À savoir, qu'est-ce qu'un savant, qu'est-ce que la science méritoire. Naam. Wa fi al-haqiqa alayna an nata'ammal ja'al al-shaykh هذا الأصل في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفوائد. Et donc, en vérité, on se doit tout un chacun de méditer sur le pourquoi du comment. Pourquoi le cheikh, il a placé ce point parmi les fondements de l'islam, parmi les bases. Le fait que tu saches en vérité d'où tu prends ta science. Ça, c'est un asr. Beaucoup de gens, en vérité, ils se prétendent faire partie de l'islam, mais ils n'en connaissent pas ses fondements et ses bases. Ou ils en connaissent certaines et en oublient d'autres. Ou on ignore d'autres. Mais ça, fi'lan, ça fait partie des bases de la religion. Que tu saches d'où tu prends ta science. Car le muslim, ou le mu'min, la ya'khudh dinah min ash-shari'. Le muslim, le mu'min, le croyant, il prend pas sa religion de la rue ou de n'importe qui. Non. Il prend sa religion dans l'ilm. Il prend sa religion des gens de science. Donc comment tu vas savoir qui sont les gens de science si toutefois tu ne t'intéresses même pas à eux? هذا مشكلة. فلهذا هذا الأصل يلخصه كلام الإمام ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذوا دينكم. Donc c'est cette partie-là, en vérité, elle est résumée par la parole de l'imam Ibn Sirin, lorsqu'il a dit, certes la science, cette science-là, c'est une religion. Donc observez de qui vous prenez votre religion. C'est pourquoi c'est important, c'est très très important, que la personne ou le musulman, il ait toujours une proximité avec les gens de science. Et que jamais, au grand jamais, il s'avance dans des affaires qui concernent sa religion sans science. Ou qu'il s'appuie sur des personnes qui n'ont pas du tout ou que très peu de science. Donc on était toujours sur ce point-là et Inch'Allah, on va terminer. Puis on va rentrer dans le point d'après. وفعلا يا إخوة العلم لا يشبع منه العلم لا يشبع منه la science on n'en est jamais rassasié. يعني كل ما تأتي وتحضر درسا تستفيد. Chaque fois que tu viens t'assistes à un cours, tu repars avec des choses que tu ne savais pas. Et si tu entends des choses que tu savais, ça sera une révision pour toi. Fais le rappel, car le rappel profite aux croyants. فالعلم نور يا إخوة. العلم نور. فحرسوا على العلم. طيب يا أخانا ياسين. العلم Afdal min al-mal, ammal. Est-ce que la science, c'est meilleur que les biens, que ce soit financier ou autre? Hein? Non, non. لو تتأملوا يعني الفرق بين المال والعلم ستجدون يعني فضيلة العلم. Et si vous essayez de comparer les bienfaits de l'argent avec les bienfaits de la science, vous allez constater que vraiment la science n'a pas d'égal. العلم من ميراث من الأنبياء. La science, ce n'est autre que l'héritage des prophètes. Walmal, miras al-muluk, wal-aghniyah. Tandis que les biens, ce ne sera rien de plus ni de moins que l'héritage des rois ou des gens riches. La règle. Tandis que là, l'ilm, c'est l'héritage des prophètes. Khiratul khalq, ala l'état, les meilleurs des créatures. Taïb. وكذلك المال يحفظه صاحبه. L'argent, c'est qui protège? Par exemple, ton argent, c'est qui le protège? C'est toi-même. C'est toi qui veille à protéger ton argent ou tes biens. Tandis que العلم هو الذي يحفظك. Tandis que la science, c'est le contraire. C'est la science qui te protège. Qui te protège de n'importe quel mot. Qui te protège de l'égarement. N'aim. Ou l'ilm, yahkum fil mal. La science, c'est elle qui a le dernier mot sur l'argent. C'est elle qui juge. Tandis que l'argent, lui, il est dépensé en fonction de la science. Aujourd'hui, par exemple, tu dois sortir la zakat. Tu vas payer, tu vas sortir cet argent de tes biens. Sous quel ordre? Par la science. C'est la science qui juge. نعم وكذلك العلم تذهب او يذهب مع صاحبه في القبر اما المال فيرجع. Et la science, elle reste avec son auteur ou elle reste avec la personne jusqu'à dans la tombe. Tandis que l'argent, ça ne reste pas. نعم وغير ذلك. Il y a encore bon nombre de bienfaits concernant la science. C'est pour ça, je crois. Il faut vraiment que chacun d'entre nous, on considère le peu de cours qu'Allah nous facilite comme une véritable ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Et que par le biais de ces cours-là, on peut espérer, chacun d'entre nous, bénéficier de l'amour d'Allah ou du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ait voulu notre bien. Car le prophète alayhi salatu wasalam dit: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ad-din." Celui à qui Allah il veut du bien. Ça c'est un hadith azim. Celui à qui Allah il veut du bien, Allah il lui enseigne la religion. Ya ikhwata, kullu ma 'ala wajhi al-ard fan. Tout ce qui se trouve à la surface de la terre, parmi les créatures, ça ne perdure pas. Celui qui a compris ça, il a vraiment compris l'essentiel. Toi, tu sais que tu es de passage. Khalas, la tata'allaq. Bel, uqdum ila rabbik. Avance vers ton Seigneur. Et comment tu vas avancer vers ton Seigneur de la meilleure des manières? Bil ilm nafi'. Qal Allah, zuyyina lin-nasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى dit: a été enjolivé aux êtres humains l'amour de certaines choses. تمام. Il a commencé par quoi? L'amour des femmes. Achat, c'est une chose. Allah nous a créé comme ça, avec ce penchant. نعم. وماذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. Les enfants. Juste après avoir évoqué les femmes, Il évoque les enfants. Et ça, c'est dans l'ordre, en fait. C'est les tentations, c'est les choses que les, qui sont le plus aimées auprès de l'être humain. Hein? Les femmes, ensuite les enfants, ensuite les trésors thésaurisés, comme l'or et l'argent. Ensuite, Mada, les belles montures. C'est évoqué dans le verset le Khed, les chevaux, car ce sont les meilleures des montures que possédaient les Arabes à l'époque. Mais ça peut sous-entendre aussi les montures de notre époque. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, ceci sont les bienfaits de ce bas monde. Ne t'accroche pas à ce genre de choses, mais accroche-toi à Allah Azza wa Jal. قال الله بعد ذلك qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? قل أنبئكم بخير من ذلك. Est-ce que je vous informerai sur une meilleure chose que cela? للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ceux qui ont craint leur Seigneur auront auprès de lui des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Khalidina fiha. Et ils y demeureront éternellement. C'est ça le vrai enjeu. L'éternité. La tabi'u ad-da'im bid-dun. Il ne faut pas vendre une chose éternelle pour une chose qui ne l'est pas. Fa bil-ilm an-nafi' ta'lam. Bil-ilm an-nafi' ta'lam. Wa baqiyat al-aya madha? أَوَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et ils auront aussi ces gens-là qui ont craint Allah Azza wa Jalla, des épouses purifiées. كذلك هذه ما له مقارنة في هذه الدنيا. Ces gens d'épouses, c'est des choses que ما له مقارنة. Donc le maqsoud في هذه الدنيا, c'est pas d'être marié, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir un bon travail, c'est pas d'avoir une situation, c'est pas de... Non, le maqsoud de cette dunya, c'est de réussir, sortir min hadhi ila l'okhra bil fawz. C'est le fait de sortir de ce bas monde vers l'au-delà avec la réussite, afin que là tu te stabilises dans une situation qui est éternelle. Naam. Bon, et on n'arrivera pas à ce stade-là si ce n'est avec la science, avec l'ilm nafi'. Fahaniyan liman ahabba al-ilm wa nasala Allah an yuwaffiqana hatta nalqah wa huwa radin 'anna. Ala kulli hal, donc on revient sur le fondement qu'on a vu la semaine dernière. Taïd, donc c'est comme on a dit, c'est-à-dire le quatrième fondement, sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement caractérisé et expliqué qu'est-ce qu'était la science utile et qui sont les savants. Non. Donc on a vu, on avait pris la semaine dernière que ce asl, il comprend l'importance de ce qu'on appelle la science du jarh ou ta'dil, la critique et l'éloge. Qui peut nous rappeler en quoi consiste cette science? Akhana Nour. C'est le fait de critiquer lorsqu'il y a une erreur. Non. Le fait de glorifier ou de faire l'éloge. Dans l'éloge. Comme a dit notre frère Nour, c'est le fait que certains savants en critiquent d'autres avec droit. C'est pas des critiques fausses. Ils les critiquent avec droit pour une erreur qu'ils ont commis. Et aussi, ça sous-entend, ça comprend aussi l'éloge que font certains savants pour d'autres. Et en fait, c'est ça la misaine. Comment toi tu sais que cette personne dont tu prends la science, il est digne de cela, tu le sais par rapport au fait que des gens de science ont fait son éloge. Et comment tu sais que cette personne-là, on ne doit pas prendre de lui la science? Parce que tu le sais, parce que des gens de science l'ont critiqué et ont mis en garde contre lui. Et ça, ya Ikhwa, ça ne rentre pas dans la médisance, comme peuvent le croire bon nombre de gens. L'imam Ahmed, on lui a dit un jour, alors qu'il évoquait les rapporteurs de certaines chaînes de transmission en disant qu'ils étaient faibles, un homme lui a dit: oh, imam, ne fais pas de la médisance, ne commets pas de la médisance avec, en parlant mal de ces gens. Et l'imam Ahmed, il lui a répondu à cet homme-là: Oskut, inna hadi nasiha. Il lui a dit: tais-toi, mais ce que je dis là, c'est un conseil pour les musulmans. Ce que je dis, c'est un conseil pour les musulmans. Le fait de mettre en garde contre un tel parce qu'il a ceci ou cela comme égarement, c'est un conseil. C'est un conseil pour les musulmans. Donc, la semaine dernière, je ne sais pas si on avait pris tous les points sur les bienfaits du jarh mat-ta'dil, on avait vu ça, hein? On a vu certains points. Taïb. Donc, parmi les bienfaits de cette science, la science de la critique et de l'éloge, Siyanatul Islam, c'est avec ça qu'on préserve l'islam. Pourquoi est-ce que vous croyez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après plus de 1400 ans, on a encore des hadiths, on a encore des traces du prophète alayhi salatu wassalam? Tandis que les juifs et les chrétiens, ils n'ont ni de traces de Moussa, aussi fermes que nous on les tient, du prophète, ni de traces de Isa. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé cette religion par les savants du hadith. Ceux qui ont dit ça, c'est un hadith da'if. Hada kadhab, hada bay', hada mada majhoul, ila akhirah. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé ceux qui rapportaient les. Il a préservé cette religion avec les gens, les savants du hadith. Ceux qui pouvaient être amenés à critiquer tantôt et à faire l'éloge tantôt de certains rapporteurs de science. Donc c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pourquoi le cheikh de l'islam dit: Laula al-jarh wa al-ta'dil, laula ahl al-sunnah, la qamat al-zanadiqa ala al-manabir. C'est pourquoi le cheikh de l'islam dit que s'il n'y avait pas les gens de la sunna, hein, alors on aurait vu des hypocrites monter sur les mimbas pour dire tout et n'importe quoi. Non. طيب وفيه صيانة لأهل الإسلام وفيه قوة لأهل الإسلام وفيه تميز لصفوف الإسلامية عن غيرها من صفوف الباطل والأهواء. نعم. Et aussi grâce à la science du jarh wa ta'dil, on peut véritablement différencier qui s'affilie à l'islam réellement et qui en est loin. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire Aïcha Zania, Aïcha elle a commis la fornication, Aïcha la femme du prophète alayhi salatu wassalam, nous on va réfuter cette parole là et on va dire que celui qui dit cette parole là il a certes été en accord avec la parole des Rafida, et on va mettre en garde contre ce genre de paroles qui sont du kufr, qui sont des paroles qui font sortir de l'islam. Na'am. Et ça, c'est une chose, la bout d'amine. C'est comme ça qu'on a préservé notre religion jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'elle n'aura de cesse d'être préservée. La tazalu min ummati ta'ifatun qa'imin ala amrillah hatta ta'tiyahum as-sa'ah. Il y aura toujours un groupe de ma communauté, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, il y aura toujours un groupe de ma communauté qui restera sur la vérité jusqu'à la venue de l'heure. Et les savants, ils disent que ce sont les gens du hadith. Les gens du hadith. Ah, le sunnah, les gens de la sunnah. Non. Taïd. طيب وقلنا وفي هذا الرد والإنكار رحمة بالمسلمين عامة Et aussi, le jarh et ta'dil, c'est une miséricorde en vérité pour les musulmans. Pour les musulmans tout entiers. Wa huwa rahmatun aydan bil mukhalif. Et c'est aussi une rahma, c'est aussi une miséricorde pour celui qui a contredit. Comment ça peut être une miséricorde pour lui, ya Mohamed? Taïb, on a dit le jarh et ta'dil, la critique et l'éloge, c'est une miséricorde pour la plupart des musulmans. Mais c'est aussi une miséricorde pour celui qui est critiqué. Ça comme... permet de le corriger. Naam, ça lui permet de se corriger. Ça lui permet de voir ses fautes. Taïb. Et ça lui permet plus que ça. Si lui, il meurt. C'est qu'il y a moins de suiveurs aussi. Naam. Ça diminue le nombre de ses suiveurs. Lui, quand il va arriver dans l'akhirah, ça y est, il va voir ru'ya ayn qu'il était sur un batil. Il va voir d'une vision claire qu'il était sur un égarement. Alors si là, il se rend compte que derrière lui, il a entraîné, je ne sais pas moi, 100 000 personnes. Le fait que ce nombre de personnes égarées diminue, c'est une miséricorde pour lui. Sinon, le châtiment, il va être que grandissant pour lui. Non. Taïb. لأن المخالف إن مات على هذه المخالفة والعياذ بالله فإنه قد يموت عاصيا وقد يموت مبتدعا فمن رحمة الله بهذا المخالف أن قيد له من رد عليه وبين له العوار والباطل وظهر له الحق فكان أن جعل الله عز وجل هذا الراد سببا Lirahmatillahi lihadal mukhalif. Donc comme on a dit, c'est vraiment une miséricorde que la personne, bien qu'elle ait été critiquée, c'est une miséricorde pour elle. Car ça diminue le nombre de ses suiveurs et lui-même, il peut être amené à se retourner sur ses fautes. Ma minna illa walahu akhta. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui est exempt de faute, à part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exempté, comme les prophètes. Tamam. Laquelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, kullu bani Adam khatta. Tous les enfants d'Adam font des fautes. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et le meilleur des fauteurs, c'est celui qui se repent à Allah azza wa jalla. Bil ikhlas. Avec sincérité et véracité. Non. Ce hadith de Kullu Bani Adam, on le prend à la lettre là. Déjà, le hadith, fi sihatihi maqal. Naam. Lakin huwa sahih ou hasan li ghayrih. Déjà, le asl du hadith, certaines personnes disent que c'est un hadith da'if. Lakin, il a d'autres un hadith qui le renforce. Tamam. Mais dans ce cas-là, on peut prendre l'umum. Et comme tu le sais, hunaka ma yukhassis al-umum. Ça veut dire là, c'est aam. Wa qad ya'ti ma yukhassisu. Harafte? Non. Taïd. ولذلك كان السلف يقولون إن أهل السنة أعلموا بالخلق أعلموا الخلق بالخلق أو أعلموا الخلق بالحق وأرحموا الناس بالخلق. C'est pourtant certaines personnes parmi les salafs, ils avaient l'habitude de dire que les gens de la sunna en vérité sont les plus connaisseurs de la création sur la vérité. C'est quoi la vérité, Ryan? Regarde, c'est quoi la vérité? Les gens de la sunna sont les plus connaisseurs de la création sur la vérité. Les plus connaisseurs de la création sur la vérité. C'est quoi la vérité? J'ai pas compris. Ahl sunna, a'lamul khalq bil haqq. Ce sont les plus connaisseurs de la création sur la vérité. C'est quoi la vérité, ça? Muhammad. Tu peux dire Allah ou tu dis la religion d'Allah. Fa hada huwa al-haq. Naam. Donc les gens de la Sunna sont les plus connaisseurs de la création sur la vérité, sur la religion. Et sont les plus miséricordieux des gens, pour les gens. Et wa rabbi al-Ka'ba. Tajid, yani ahl al-Sunna yatarahamun. Rahma. Fihim. Ajib. La miséricorde que les gens de la Sunna ils ont pour les gens, c'est ajib. Hatta ma'al mukhalif. Même la personne qu'on sait qu'elle est dans un égarement. Tajid. C'est pas des choses qu'on souhaite. C'est pas des choses qui nous font plaisir. Narod d'aller, on les réfute, certes, mais on fait des du'as pour eux, qu'Allah les guide. Comment Ibrahim il a traité son père? Bid du'as. Malgré que son père il était dur avec lui et qu'il l'a renvoyé, jusqu'à il l'a jeté dans le feu. Malgré tout, il a renvoyé ça. Billati yahsan. De la meilleure des manières. Bid du'as. Naam. Et en vérité, c'est l'ilm, c'est l'ilm. Plus tu apprends, plus tu t'apaises. Plus tu apprends, plus tu sais que l'affaire elle est chez Allah Azza wa Jalla min qabl wa min ba'd. Naam. Wa hada yu'inuk katira. Et ça t'aide. On a dit dans un de nos cours une parole de Abdullah ibn Abbas qui disait que ra's al-iman as-sabr ala aqdarillah. Le sommet de la foi, c'est le fait de patienter sur les décrets d'Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa la yunal hadha as-sabr illa bil-'ilm. Et on n'atteint pas ce niveau de patience si ce n'est avec la science. Naam. طيب قال وقال احدهم نحن ارحم باهل البدع من انفسهم. أرأيت رحمة أعظم من أن تبين له عواره ليتركه وليرجع للإسلام؟ Et certains salafs, ils avaient l'habitude de dire, nous, c'est-à-dire nous, les gens de la Sunna, on est plus miséricordieux que les gens de l'innovation le sont envers eux-mêmes. Ensuite, ils ont dit, vois-tu une miséricorde plus grande que tu expliques à une personne ses fautes pour qu'il puisse les laisser et pour qu'il puisse revenir vers le droit chemin. Non. Non. قال ولذلك يقال ان الذين يقومون بهذا الواجب نحسبهم ان شاء الله انهم من ارق الناس افئده ومن ارق الناس قلوبا. Donc il est important d'avoir la certitude que ceux qui établissent, c'est-à-dire ceux qui accomplissent le jarh wa ta'dil parmi les ulama, hein, ce ne sont pas des gens comme peuvent le qualifier certains innovateurs ou égarés, ce ne sont pas des gens qui sont durs en vérité, qui sont dépourvus de toute miséricorde. Non, bien au contraire, ce sont des gens pleins de miséricorde et qui est, lorsqu'ils critiquent une personne ou un fer, ils ne le critiquent pas pour une quelconque jalousie ou pour une quelconque envie d'un bienfait de ce bas monde. Non, ils critiquent pour Allah Azza wa Jalla, pour que les gens ne prennent pas cette voie-là et pour que le chemin droit soit éclairci. Non. طيب لو سي ان بوين قال وهم من اهل العباده ومن اهل الورع ومن اهل العفه ومن اهل الصيانه خلافا لمن غمز فيهم باقوال باطله فقال ان فيهم انهم اهل قسوه وشده وغير ذلك. Et si ça c'est aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que les gens du jarh wa ta'dil, les savants qui sont spécialisés dans cette science, ce ne sont pas des gens qui passent que leur temps à critiquer les gens. Beaucoup de gens ils peuvent croire que la vie c'est, ou bien la minhaj, c'est un tel il est comme ça, ou un tel Cheikh Foulan il est chrétien. Non, t'entends une parole, passe, voilà, tu as entendu, voilà, il y a une critique qui a été faite, tu la prends, tu prends tes précautions, tu t'écartes de toute erreur et tu passes. Tu passes pas ta vie dans qil wa qal. Non, sinon tu t'en sors plus. Eux-mêmes, c'est des gens qu'on qualifie des gens de ibad, l'imam Ahmed, wa ma adrak. Qui te dira quel était l'imam Ahmed et son adoration? Ça, c'est des gens qui pouvaient faire toute la nuit en qiyam al-layl. Tu penses que lui, ça ne lui fait pas peur de venir de parler sur quelqu'un sans science? Bien sûr qu'il y a khaf. Et que s'il parle, il pèse ses mots. Il sait que demain, il y a une rencontre avec Allah Azza wa Jal. Wa kana shaykhuna Yahya, subhanallah, il avait une parole qu'il disait souvent lorsqu'il y a eu les fitanes que vous connaissez. Il disait « Bayni wa baynahum Allah. Bayni wa baynahum Allah. » Entre moi et eux, c'est-à-dire ceux qui le critiquent, il y a Allah Azza wa Jal. Yakfik. Ça, c'est une parole, ça tue vie. Bayni wa baynahum Allah. Entre moi et eux, il y a Allah Azza wa Jal. Celui qui raqib, qui pense à cette rencontre avec Allah, il fait attention à ce qu'il dit. Et il parle. Bilhaq, il parle avec la vérité. Et pour le bien de la communauté. Donc les gens qui critiquent ou qui sont spécialistes dans cette science, en vérité, ce sont des gens qui sont qualifiés comme étant des adorateurs, des dévots, des gens qui craignent Allah Azza wa Jal. Naam. فهذا الأصل مهم وهو أصل من الأصول. فتنبهوا لهذا الأمر. لأن دعوة الفتن ظهرت وهي عظيمة تحرق القلوب والعياذ بالله وتضل الشباب عن الصراط المستقيم والمنهاج السلف ومنهاج السلف فتنبهوا واحذروا. نعم. Donc ça, c'est vraiment un point que tout un chacun d'entre nous, on doit être vigilant là-dessus. Pour le résumer, savoir d'où vous prenez votre science. Et ne vous arrêtez jamais, ne vous reposez jamais sur une fatwa dépourvue de toute preuve. Tu peux prendre une fatwa, même s'il n'y a pas de preuve avec. Mais que tu t'appuies sur elle pour fonder quelque chose, non. On s'appuie sur le dalil. On s'appuie sur le dalil. Sur la preuve du Coran ou de la Sunna. Et si on l'a pas, on la demande, on la recherche. نعم. فهذه الشريعة جاءت ببيان العلم النافع وصفات من يتصف به لئلا يلتبسوا على الناس الحق بالباطل والعلم بالجهل والفقه بغيره. فالعلماء حقيقة هم الذين يحملون العلم والعلم هنا المراد هو العلم الشرعي. Donc cette législation, comme on le dit ici, cette législation, elle est venue pour expliquer c'est quoi le savant, c'est quoi un savant, c'est quoi ce qu'on appelle un savant, c'est quoi la science utile. Et la science utile, c'est pas la science de la médecine ou la science de l'astronomie ou la science de la physique ou quoi. C'est des sciences qui sont utiles, bien chaque. C'est des sciences qui sont utiles. Dont la communauté musulmane a un grand besoin. Mais ce n'est pas ça la science al-nafi' que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé et a élevé ceux qui la recherchent. La science utile, c'est celle dans laquelle on est là. Subhanallah, c'est celle dans laquelle on est. C'est celle où le nom d'Allah est évoqué et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sont rappelés. Ça, c'est l'ilm al-nafi', ainsi que les paroles des compagnons. نعم. فالعلم نعم. فالعلم يحمله صنفان من الناس عامل به ومعرض عنه. Et ça aussi c'est très important de savoir que la science ceux qui la détiennent, ils sont de deux catégories. Ils se divisent en deux catégories, ceux qui détiennent la science. Il y a ceux qui œuvrent avec, et il y a ceux qui l'ont, mais qui s'en détournent, qui se détournent de l'œuvre. فالعامل به هو الموفق المعزز وهو الذي جاء الأثر في بيان فضيلته وعظام شأنه. Donc celui qui œuvre avec sa science, c'est lui dont les mérites sont évoqués dans le Coran ou dans la Sunna. Celui qui œuvre avec sa science. Et quand on dit œuvrer avec sa science, c'est t'as appris un verset, tu l'appliques, tu œuvres avec. Même si tu ne connais que peu de choses ou peu de sourates ou peu, t'œuvres avec. T'œuvres avec ce que tu connais au fil khair al baraka. Non. Les compagnons, ils passaient pas un verset avant de le mettre en pratique. C'est-à-dire, ils n'essayaient pas d'apprendre un autre verset jusqu'à ce que le premier des versets qu'ils aient appris soit déjà mis en pratique. وأما المعرض عنه فهو الخاسر خسارة عظيمة وهو الذي جاء فيه أثر ذمه وبيان خسارته وكلا الصنفين داخلتين أو داخلين تحت قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. فالمعلم ينبغي أن يكون أول من يعمل بالعلم. نعم. Donc celui qui enseigne aux gens, il se doit, lui en premier, d'appliquer ce qu'il dit. D'appliquer ce qu'il dit, ou d'appliquer ce qu'il enseigne, ou d'appliquer la science qu'il possède. Et c'est pour ça, Yahya, que j'appuie vraiment pour que chacun d'entre nous, on prend chaque jour des doulos, on prend chaque jour des... Mais ça n'a aucune utilité si on ne l'applique pas. Hein? Ça n'a aucune... Là, on est dans les asma wa sifat, on est dans le tafsir, on est dans ce genre de cours. Mais ça ne va pas nous être utile si on n'applique pas. Min al-mu'minina rijalun. Allah subhanahu wa ta'ala a vanté ces hommes qui ont appris et pratiqué. Et les a appelés des hommes. Ça c'est la quwwa. Le fait de d'œuvrer avec sa science. Min al-mu'minina rijalun. Sadaqu ma 'ahada Allah. Ils ont été véridiques avec Allah azza wa jalla. من ابتغى العلم والعلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. نعم. طيب، نتكلم sur une petite masala. On termine ce cours et puis on aura terminé avec le quatrième fondement. Une petite masala. طيب. هل الإنسان إذا لم يقوم بما أمر الله يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المفروض النهي عن المنكر أو الأمر عن المنكر. طيب، est-ce que la personne، par exemple، je vous donne un exemple، quelqu'un il fume، hein؟ quelqu'un il fume. طيب، avant ça, est-ce que le fait de fumer c'est permis en islam? Non. في خلاف ولا؟ Non. ما في خلاف. ما في خلاف. Et pas avant ils ont dit la base. Al khilaf shad. Ça c'est un khilaf qui est même pas mu'tabar. Certains savants peut-être au début de l'apparition de la cigarette, de la nicotine, ils ont peut-être dit la base ou كذا, lakin ghayr mu'tabar. Il ne faut pas venir demain nous dire « Oui, il y a un khilaf dans la masala, c'est là. » Ah non, là tu ne peux pas avancer un khilaf sur une parole du prophète sallam qui dit par exemple « La darara wa la dira. » Tu ne dois pas faire de tort ni t'en faire à toi-même. Et bilachak, ça a été prouvé médicalement que la nicotine, le tabac ou quoi, nuit énormément à la santé de la personne. Le prophète sallam dit inna ala jasadika haqq, et ton corps il a un droit sur toi-même. Ton corps il a un droit sur toi-même. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne jetez pas vos âmes dans la destruction. Et bila shak, quand toi tu utilises ce genre de choses, tu jettes ton âme en quelque sorte vers la destruction. En tout cas, tu jettes ton corps vers une destruction qui n'a pas d'autre interprétation. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, la nicotine ou le tabac, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal à mes poumons, ça fait pas de mal à mes reins, ça fait pas de mal à mon corps. Ça même. Donc celui qui fume, hein, il y a Ja'far. Celui qui fume, t'as est-ce qu'il a le droit de dire à quelqu'un d'autre, ne fume pas, je te déconseille. Alors que lui, il sait qu'il va pas arrêter. Hein? Là, je parle de quelqu'un, il est dans ce péché, il sait qu'il va pas arrêter. Tamam. Et il voit quelqu'un qui fume, il lui dit. Alors que vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde, dans bon nombre de versets, le fait de dire, لِمَدَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ. Hein? Pourquoi vous dites des choses que vous ne faites pas? Allah, il a réprimandé. Donc là, ça, c'est mieux de changer d'abord et ensuite de donner le conseil. Allez, Sakadalek, Yanis? Allez, Sakadalek? C'est meilleur. Oui. C'est meilleur. Ah. Ah, خلاص اذا عرفت طيب ها نعم il doit le conseiller quand même. ولا يسقط عنه. Et le fait qu'il fasse ce péché, ça n'implique pas qu'il doit délaisser son obligation qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. T'as deux obligations, une envers toi-même, c'est-à-dire t'ordonner le bien et t'interdire le mal, ça c'est propre à ta propre personne. Mais t'as encore une autre obligation, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal à autre. Et ça, si toi toutefois t'as pas accompli ton devoir envers toi-même, tu ne dois pas laisser le devoir envers les autres. Même si tu tombes dans n'importe quel péché et que tu vois ton frère tomber dans le même péché, conseille-le. Mais là, le verset que tu viens de dire, on interprète comment? Ben que, en fait, celui qui conseille, il doit faire un effort pour changer. Il ne peut pas rester, voilà, moi je conseille et je suis dans le péché. Moi aussi. Non. Mais dans le cas où, sachant qu'il va faire un groupe nasiha, mais le fait qu'il fasse le péché, ça engendrera un mal plus grand. Par exemple, ça va partir en débat ou l'autre va être pris d'orgueil, il va dire comme tu le fais ou il va mal le prendre, on fait comment? Si ça va engendrer un mal encore plus grand, c'est-à-dire des blasphèmes. Ouais, si par exemple le fait que tu conseilles la personne, ça peut tourner en bagarre, ça peut tourner dans un mal qui est plus grand, tu laisses. Et ça c'est en vue de la parole du prophète sallam qui dit Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. S'il ne peut pas, avec son cœur. Donc toi, si tu sais que ça va faire un mal plus grand, tu le laisses et tu réprimandes cela par ton cœur. Pour le fait de réprimander ça avec le cœur, la personne, elle n'est pas obligée, elle est obligée de sortir, de quitter l'assise où il y a un mal. Elle est... En gros, par exemple, si quelqu'un il fume, tu es obligé de pas rester avec lui. Voilà. Oui, naam. Naam, ya ikhwata. Parce que toi, le fait que tu restes avec lui, si toutefois il n'y a pas un quelconque intérêt religieux, le fait que tu t'assois avec lui, c'est comme si tu agrées en quelque sorte. Or, le croyant, il n'est pas de la sorte, il s'éloigne des futilités, il s'éloigne des péchés et des gens qui les commettent lorsqu'ils les commettent. Ça, c'est pas pour tous les mots. Par exemple, il y a une bagarre. Toi, tu peux ni intervenir avec tes bras, avec tes mains, parce que ça va retomber sur toi, ni avec ta langue, si tu parles, ça va retomber sur toi. Avec ton cœur, tu peux quand même rester sur place. Et tu vois la bagarre qui se passe? Non, oui. Genre, tu regardes, il n'y a rien. Taïb, lakin. Sarah, en fait, c'est comme si ta présence est l'équivalent à ton absence. Parce que tu es là, mais autant partir. Mais si toi, tu peux faire quelque chose ou intervenir, fais-le. Tamam. En tout cas, celui qui a la possibilité d'intervenir ou quoi, de nasah ou quoi, qu'il le fasse. T'as vu ? Donc on a terminé, Inch'Allah, avec le quatrième as. Inch'Allah, le prochain coup, on rentrera directement dans le cinquième as. T'as vu ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ce qui concerne le livre, concernant les règles relatives aux femmes, on est toujours dans le livre du mariage.